Quand les messagers leur étaient venus de devant eux et par derrière, leur disant « N'adorez qu'Allah », ils dirent « Si notre Seigneur avait voulu, il aurait certainement fait descendre des anges. Nous ne croyons donc pas au message avec lequel vous avez été envoyés. »